en paria, je ne m'intègre pas avec ce regard froid. Certaines ont peur de moi, je suis le cas social, celui qui tape scandale, celui qu'on prend pour un fou à pieds nus sans sandales, celui qui court vers les problèmes sans pâle, dont le cœur s'emballe pour un oui, pour un non. Une vraie tête de con, ouais, une vraie tête de con. Je suis celui qui chôme quand les autres se lèvent tôt, celui qui s'endort sur ses cônes quand le voisin dégire ses rétros, celui qui a toujours les crocs mais qui laisse sa femme sans qu'il ose au fourneau. Pareil que je lui ai fait un gosse pour éviter qu'elle prenne la porte, et que j'en ferai bien un deuxième pour gratter les allocs dans les jeux et la fume. Je craille mon RMI, accoudé au PMU, je finirai ma vie. Je suis un drôle de gars, égaré sur une planète lointaine, un drôle de rat qui ne rêve que d'ombre tienne, qu'avance d'un drôle de pas qui est branché lesbienne. Sa façon dire que je ramène la connerie à l'extrême. Dans votre monde, je me démène, que je suis pas heureux de vivre, que j'ai la haine, mais c'est le goût des autres. Je suis ce rebelle sans cause avec ses idées erronées. Pareil que ma rage est une étape que tous les jeunes sont abonnés, que je joue les psychologues, que c'est pas mon élément, que je devrais laisser aux diplômés le contrôle du divan. Des peignes on mettrait volontiers dans mes dents, car il est temps maintenant de me réveiller. On se reverra dans 5 ans, sûr je me serai rangé. Le temps fera passer l'envie de tout changer, mais c'est le goût des autres. Ça n'est que le goût des autres. C'est le goût des autres. Juste misogyne qui prône le respect des frangines, qui doit sûrement considérer que leur place est à la cuisine, qui fait pas la différence entre copines et réceptacle à pile. Un gros connard aviné à vide, futur célibataire à vie, qui finira noyé dans une bouteille de whisky. Mais c'est le goût des autres. Cet homme au teint pourri gâté, à qui on serre la main juste pour la gratter. Pareil que je passe mes nuits en boîte et je peux t'avoir de la poudre, et quand je sors la CB j'ai la main lourde. Pareil qu'il y a une goutte de mon sperme dans la dentelle de chaque fille de joie, que j'aime trop les bordels. Depuis que je fais de la route, mon couple bat de l'aile. La vie d'artiste, pareil, je trouve ça mortel. Je suis qu'un gros toxico, sûr que je tape la coco. Avec mon 1m80 et mes 65 kilos, j'ai la peau sur les os, une shooteuse dans la veine et des couteaux dans le dos. Et que dessus y est gravé le blast de mes poteaux. Paraîtrait que je craille pas, que j'ai toujours les crocs. Il paraît que je viens d'en bas et que s'en sortir c'est chaud. Mais c'est le goût des autres. C'est le goût des autres. Je suis ce jeune naïf qui fait du rap pour se prouver qu'il existe, et qui en plus ose jouer les puristes. Il paraîtrait que la pilule est dure à avaler, que je toucherai sûrement le fond en même temps que les 30 balais. Je crois même que j'aurai jamais assez de charisme. J'ai un problème d'ego et je manque de réalisme, que les regards se tournent. Et quand je gratte mes vers, les mots qui me viennent à la bouche, je les ai trouvés par terre. Je suis ce fils indigne en froid, puis toujours avec son père qui répond pas à ses appels. Que ce soit pour Noël ou les anniversaires, c'est là même j'éteins mon cellulaire. Ça met en panique ma mère quand je me tais, que je me terre. Je reste 2 semaines sans donner signe de vie, je la sens amère. Je suis ce grand frère, bourré de fils qui donne pas le bon exemple. Dur avec ses petits comme un père et son fils, j'arrondis pas les angles. Mais c'est le goût des autres, le goût des autres. C'est le goût des autres. Je suis fils de colon, coupable de tous les maux, la réincarnation de la politique de Soweto. Il a le crâne rasé, il a de drôles de mœurs. Sûr, quand vient la nuit, il enfile ses rangers. Bien sûr, en public, c'est pas ce qu'il dit. Quand il parle d'égalité, il joue la comédie. Je suis ce blanc bec avec l'esprit ghetto, façon Jean-Marie Le Pen ou Henri Guénaud. Je suis ce branleur, endormi dans le fond de la classe, jamais à l'heure. Je fais du bruit, attire les foudres, les grognards, celles qui potassent. Pendant que je reste relax, H24 fracasse, admis à mes modules alors qu'on me pense HS. Je leur ai trop mis la rage, mais comme j'ai tout foiré, bah voilà, je m'arrache, ciao bande d'enfoirés. Je retourne me mettre la race et je trinque au bon dernier plutôt qu'au pauvre premier. Mais c'est le goût des autres. Le goût des autres. Ça n'est que le goût des autres. C'est le goût des autres. Parce que je suis loin d'être ce qu'ils croient. Y'a pas d'être humain ni au-dessus ni en dessous de toi et moi. C'est le goût des autres.